الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on commence le cours numéro 48 dans l'explication du livre شرح عقيدة أهل السنة والجماعة du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et au dernier cours on avait expliqué l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala al-irada, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliqué que l'irada se divise en deux catégories, l'irada al-kawniya ou l'irada al-shar'iya. Et pour résumer, le cheikh il avait terminé en disant que inna al-irada tanqasimu ila qismayn bidalil at-tatabbu'. Irada al-kawniya wa hiya allati yaqa'u biha al-murad wa takunu fima yuhibbuhu Allah wa fima la yuhibbuhu. وفيما لا يحب وترادف لفظ المشيئة. والقسم الثاني إرادة شرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله وهي ترادف المحبة. وإنما قسم العلماء الإرادة إلى هذين القسمين لئلا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريده كما قال بذلك المعتزلة فيقال إن أردتم لا يريده شرعا فحق وإن أردتم لا يريده قدرا فباطل. Donc le cheikh il a résumé, il a dit que la volonté d'Allah se divise en deux catégories, et la preuve de ça c'est en suivant les mentions de cet attribut dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc on constate en suivant les textes qui mentionnent cet attribut qu'elle se divise en deux catégories, la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, et c'est celle qui doit absolument se produire. C'est-à-dire que la volonté dans la création et dans la prédestination, ça se produit de façon absolue. La preuve, si tu veux savoir que quelque chose fait partie de la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, tu n'as qu'à regarder. Est-ce que ça se produit, oui ou non? D'accord? Et si c'est quelque chose qui s'est produit ou qui est arrivé, ça veut dire que ça fait partie de la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination. Toutefois, ça peut être dans quelque chose que Allah aime, et ça peut être dans quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas aussi. Donc c'est pas relié uniquement à ce qu'il aime. Ça peut être relié à ce qu'il aime et à ce qu'il n'aime pas. Et c'est le synonyme de al-mashi'a. Al-mashi'a, c'est-à-dire le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que Allah veut est, et tout ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et il n'y a rien qui peut se produire excepté par sa volonté. Donc quand on parle de dans ce sens-là, ça veut dire dans la volonté d'Allah dans sa création et dans sa prédestination. La deuxième catégorie de la volonté d'Allah, c'est la volonté d'Allah dans la révélation et dans la législation. Et c'est celle qu'on peut connaître par ce qu'il a révélé à ses messagers et par l'intermédiaire de ses livres. D'accord? Et ça, c'est possible que, yani, cette volonté-là, c'est pas obligatoire qu'elle se réalise ou qu'elle se produise. Et c'est uniquement dans ce que Allah aime. Hein? Et donc, c'est synonyme à ce que Allah aime ou à l'amour d'Allah. Hein? Ce que Allah aime. Donc, par exemple, la salat, la foi, l'iman, at-taqwa, at-ta'a, l'obéissance, les bonnes œuvres, hein? Tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui est ordonné par Allah dans sa législation et dans sa révélation, donc ça fait partie de sa volonté. Et tout ce qui est interdit par la révélation, hein, tout ce qui est interdit par la révélation, comme par exemple les péchés, le shirk et le kufr, ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre qu'elles se produisent, mais bien entendu, il n'aime pas ces choses-là. Mais il fait en sorte qu'elles se produisent pour une sagesse. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant dans cette partie du cours aujourd'hui. C'est que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit ensuite: wa nu'minu بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته. Et nous croyons que ce que Allah veut, que ce soit dans la volonté, dans sa création ou dans sa révélation, tout ça suit sa sagesse. C'est-à-dire que ça, c'est toujours en accord avec la sagesse divine, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَهَذَا مُهِمٌ فَمَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَوْنًا أَوْ شَرْعًا فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَقْتَضِيهِ لأن مراده تابع لحكمته ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ففي هذا إشارة إلى أن مشيئته أن مشيئة الله تابعة لحكمته فالمهم أن نعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه فهو لحكمة ولا يمكن أن يقع سفها أو لغوا ولا لعبا إطلاقا. Donc le cheikh il dit, donc nous croyons que ce que Allah a voulu, que ce soit dans sa création, dans sa prédestination ou dans ce qu'il a légiféré et révélé, tout ça, ça suit sa sagesse. Et qu'est-ce qui est important dans ça, c'est de savoir que tout ce que Allah a voulu dans sa création ou dans la révélation, ça suit et c'est en accord avec sa sagesse et que c'est que ça suit la sagesse divine. Et la preuve de ça, c'est quoi? C'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset 30 dans sourate Al-Insan, et il y a d'autres versets qui mentionnent ça aussi. Dans sourate Al-Insan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et vous ne pouvez vouloir accepter si Allah a voulu. Donc votre volonté, elle est limitée par la volonté d'Allah. Certes, Allah est omniscient, il a la connaissance de toutes choses et il est hakim, il est sage. Ça veut dire que celui qui est sage, ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est pour quelque chose qui est bénéfique et qui est bon et qui a une bonne raison. Et c'est pas quelque chose qu'il fait de façon inutile ou pour passer le temps ou bien quelque chose qui est futile, ou sans sagesse. Non. Tout ce que Allah fait, il le fait avec une sagesse et une science. Et c'est pour quelque chose de bon. Et donc il y a un signe dans le fait que Allah mentionne à la fin de ce verset que Allah est certes omniscient et sage, que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a prédestiné et tout ce qu'il a révélé suit sa sagesse. Et donc qu'est-ce qui est important de savoir, c'est ça, c'est que tout ce que Allah a décrété et prédestiné ou légiféré, c'est selon la sagesse divine. Et il n'est pas possible que quelque chose se produise par yani de façon futile ou yani lahwan, ou bien par pour un jeu ou divertissement ou par distraction ou des choses de ce genre. Non, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il a légiféré, c'est uniquement par sa sagesse et c'est une sagesse parfaite. Il dit également après ça le cheikh وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Le cheikh ici il a mentionné trois versets ou bien trois parties dans différentes sourates dans le Coran. Les premiers versets qu'il a mentionnés dans sourate Al-Mu'minun, le verset 115 et 116, il dit pensez-vous que nous vous avons créé en vain, par futilité, sans aucune sagesse, et que vous ne retournez pas, que vous n'allez pas retourner vers nous, que Allah soit exalté de ce genre de pensée-là. Dans les versets dans sourate Ad-Dukhan, le verset 38 et 39, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hein? Nous n'avons créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre les deux, hein? Nous ne les avons pas créés en pour jouer ou pour, comme un jeu. La'ibin. Hein? La'iba yal'abu, ça veut dire jouer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. On ne les a pas créés en jeu. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Nous ne les avons créés qu'en vérité. Et il mentionne également le verset 28, non 27 dans Sourate Sad. Et nous n'avons créé les cieux et la terre, nous n'avons pas créé les cieux et la terre que, hein, ou bien plutôt nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux en vain. Hein, batilan, hein, pour rien, sans sagesse, sans objectif, sans but, sans raison. D'accord? Et il dit, ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ceci est l'idée ou la pensée de ceux qui ont mécru. Ceux qui ont mécru, les athées, les mécréants, eux, ils pensent que Allah, il a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en vain, sans raison. Hein? Que tout ça, c'est juste du hasard. Qu'il n'y a pas de sagesse derrière ça. Hein? Que si il y a eu des êtres humains qui vivent aujourd'hui sur terre et avec des animaux et des plantes et de l'oxygène et toutes sortes de minéraux et toutes sortes de créations merveilleuses sur la terre, tout ça c'est le résultat d'un Big Bang et d'une explosion et d'un hasard comme ça. Pas plus que ça. Et s'il y a des hommes et des femmes, c'est juste le mélange de certaines molécules qui se sont mélangées par hasard. Et au début, c'était une molécule, des bactéries qui se sont multipliées, qui se sont développées, qui se sont transformées, qui sont devenues je sais pas quoi, après des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années, c'est devenu des poissons. Puis après quelques milliards encore, c'est devenu des reptiles. Après, c'est devenu des oiseaux. Après, c'est devenu des singes. Puis à partir de ce singe-là, plus tard, par la suite, des milliards et des milliards d'années plus tard, ces singes-là se sont transformés en êtres humains et en éléphants et en d'autres espèces. Et tout ça, c'est du hasard. Hein? Il y a aucune sagesse derrière ça. Il n'y a pas une volonté derrière ça, et il n'y a pas un créateur derrière ça. Donc, ça c'est la pensée de ceux qui ont mécru. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Et Allah dit à la fin du verset, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Alors, malheur à ceux qui ont mécru de l'enfer qui les atteint. Hein? Et après le shaykh, il dit, فَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ جَلِيلٍ من العالم العلوي أو السفلي من الناطق وغير الناطق ومن المتحرك وغير المتحرك من النامي وغير النامي فإنه لحكمة لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. Le cheikh dit que tout ce que Allah a créé, que ce soit minuscule ou immense, que ce soit parmi les créations qui sont sous la terre ou les créations qui sont dans les hauteurs, que ce soit des créations qui parlent ou qui ne soient pas capables de parler, qui soient mobiles ou qui bougent ou qui soient inertes ou immobiles, que ce soit des créations qui croissent ou qui grandissent ou qui ne grandissent pas, tout ce que Allah a créé, c'est pour une sagesse et c'est pour une raison. Mais il dit le cheikh, mais ça ne veut pas dire que nous allons nécessairement connaître cette sagesse là parce que il dit que c'est parce que notre raison et notre intellect, il est limité. Hein, il n'est pas capable de comprendre et de découvrir nécessairement toute la sagesse d'Allah. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande que ça. Donc peut-être qu'on arrivera à trouver certaines sagesses et peut-être qu'on ne sera pas capable. il dit ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح التي بين جنبتينا او جنبينا يعني والتي نموت بفقدها وهي اخص شيء بنا وادنى شيء الينا لما سئل عن الروح قيل له قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وكان الله تعالى يقول ما بقي عليكم الا ان تسالوا عن الروح وما اكثر العلوم التي فاتتكم وهذا صحيح. Donc le cheikh il dit, la preuve que notre connaissance et notre compréhension de la sagesse divine elle est limitée, c'est que lorsque on a posé la question au messager d'Allah à son époque sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'âme, ar-ruh, hein, qu'est-ce qui fait vivre, donc qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous fait vivre et qu'on perd au moment de la mort, hein, lorsque il a été questionné à ce sujet-là, eh bien ça c'est une des choses qui est parmi les choses les plus particulières, hein, qu'est-ce, une des choses qui nous est les plus propres et les plus particulières, c'est notre âme, hein, et c'est la chose qui est plus proche de nous, puisque c'est notre âme à nous, et c'est ce qui nous fait vivre, hein, c'est ce qui est à l'intérieur et par quoi on vit. Donc cette chose-là, lorsqu'on a été questionné à ce sujet-là, ou lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en lui ordonnant de dire, hein, قُلْ أَرْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Le verset 85 dans surat al-Isra dit, l'âme est de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez été donné de la science que très peu. Vous n'avez reçu de la science à ce sujet que très peu de connaissances. Hein? Donc ça veut dire que l'être humain, sa connaissance de l'âme, elle est très petite, très limitée. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait que, yani, il ne vous restait que de poser la question à propos de l'âme. Et comme sont nombreuses les choses, hein? C'est-à-dire, vous n'aviez aucune autre question à poser que la question au sujet de l'âme, hein, comme sont nombreuses les choses qui vous ont échappé et que vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, c'est la réalité. Hein. Et souvent, les gens, quand on parle de l'âme et quand on parle de la vie, hein, et de la mort, les gens, ils réfléchissent à cette question-là. Et on dit, un tel, il est mort, et on mentionne, par exemple, quand on fait l'autopsie, on mentionne la cause de la mort de la personne. On va dire, lui, il est mort à cause de telle ou telle chose. Hein? Et des fois, ils disent mort naturelle. Mort naturelle, c'est quoi la mort naturelle? Ça veut dire que tu es assis comme ça, tu respires, et tu es en bonne santé, tu n'as aucun problème, et tout d'un coup, comme ça, tu meurs. Sans aucune cause seconde, matérielle. Hein? Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est arrivé pour que d'un moment à l'autre, hein, tu cesses de vivre? Et s'il y a quelque chose qui a été enlevé, hein, ou quelque chose qui a été retiré pour que tu ne vives plus, est-ce qu'on est capable de le remettre, cette chose qui manque? Hein? Donc si c'était dans notre capacité ou dans nos moyens de le faire, alors là, dans ce cas-là, bien entendu, les gens, ils essaieraient de le faire. Maintenant, ils sont en train de parler, d'essayer de télécharger le contenu de la mémoire de l'être humain dans son cerveau et de ses expériences et de ses souvenirs et essayer de les télécharger sur une puce ou sur une clé USB, peut-être qu'il pourrait essayer de la charger dans une autre personne, ou dans un robot, ou dans des choses comme ça. Et il pense que c'est comme ça que l'être humain peut devenir éternel. D'ici, on transfère la conscience humaine de son corps physique humain à un robot, ou à une un objet, quelque chose comme ça, l'être humain pourrait être éternel, parce que comme ça il ne va pas mourir s'il est dans, à l'intérieur d'un objet. Bien entendu, c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a limités dans la connaissance de ces choses-là. Hein? Et ça, c'est seulement dans la science-fiction que ce genre de choses-là existent. Mais dans la réalité, bien entendu, ils ne vont jamais pouvoir faire ce genre de choses. Non, mais les êtres humains, en fait, c'est que lorsque tu étudies la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu observes la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien c'est à ce moment-là, c'est là que tu réalises à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Hein? Parce que tu dis, ça c'est tellement bien fait, c'est tellement bien créé. Hein? Alors comment yani subhanallah, tu dis nous des fois on a des voitures, hein? on a une pièce dans notre voiture qui fonctionne plus, on l'échange, on enlève l'ancienne pièce, on met la nouvelle. Ton corps humain, hein, maintenant ils sont capables de faire certaines choses comme ça pour l'être humain aussi. Si quelqu'un, son foie il fonctionne pas, ils vont essayer de lui greffer un nouveau foie. Si son cœur il fonctionne pas, peut-être ils vont lui mettre un nouveau cœur. Hein? Si il y a certains organes comme ça, les reins, hein, ça fonctionne pas, ils en mettent un autre. Et en même temps, il faut vérifier que celui du donneur, il correspond à, est compatible avec le nouveau corps. Et même après l'avoir mis, il faut que la personne prenne certains médicaments pour éviter le rejet de l'organe, parce que le corps humain va considérer que cet organe est un corps étranger, hein, et au lieu de il va vouloir le détruire au lieu de le garder. Donc il doit prendre des médicaments pour faire comprendre au corps que cet organe là est pas étranger, tu vois, parce que le corps il se reconnaît lui-même. Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui l'a créé. Donc tout ça c'est pour dire que l'être humain c'est une machine, hein, merveilleuse que Allah a créée, et c'est quelque chose, lorsqu'on y réfléchit on réalise à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il est grand dans cette création là et qu'il y a une sagesse dans toute chose que Allah a créé. إذن يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو لحكمة. Donc le cheikh dit, donc dans ce cas il est obligatoire pour nous de croire, hein, et de savoir avec un savoir certain que Allah subhanahu wa ta'ala il ne va rien prédestiner excepté que c'est pour une sagesse, même si en apparence il y a un mal pour nous dans cette chose là même si en apparence c'est quelque chose qui est nuisible ou qui est néfaste pour nous, il y a dans ça une sagesse. Il y a beaucoup de choses dans la création et dans la nature qui se produit que Allah a prédestiné. Et les gens, parfois, ils réalisent, mais ils se posent des questions. Ils disent, mais pourquoi ces choses-là existent? Ou pourquoi ces choses-là arrivent? Hein? Eh bien, il y a une sagesse dedans. Même si, toi, à première vue, tu regardes ça et tu dis, tu comprends pas la sagesse. Pourquoi? Tu sais pas pourquoi. Et tu réalises pas pourquoi. Mais Allah, lui, il sait et il l'a fait pour une raison qui est bonne, même si toi, tu n'arrives pas à le comprendre. Et le cheikh il va donner quelques exemples. Il dit فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد واغرقت الزروع واهلكت المواشي واهلكت بعض الناس هي مكروهة لنا ولكنها لحكمة فالذين قتلوا في هذا شهداء لان الغريق شهيد والذي يموت بهدم شهيد وما أعظم الشهادة فهي تساوي الدنيا كلها بل يود الإنسان أن يموت شهيدا ولا يعيش ألف سنة إلا أن يكون في زيادة خير والأموال التي فقدت قد تكون لحكمة. ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح لكم أن تفتح عليكم الدنيا. ربما تبقى هذه الزروع وهذه القصور وتكون فتنة تعيننا على المعاصي وتصدنا عن الطاعات، وبفقدها نلجأ إلى الله ونعرف قدر أنفسنا، وهذا خير وهو الأنفع للمرء في دينه ودنياه. Donc le cheikh il dit, donc l'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple des, par exemple, comment on pourrait dire, un déluge ou un raz-de-marée ou un tsunami. Hein? Il dit c'est ce genre de déluge ou bien de tsunami qui se produit, par exemple, qui détruit les pays ou bien qui détruit l'agriculture, toutes les récoltes, qui détruit les bétails que quelqu'un possède, et même qui vont tuer certaines personnes qui vont mourir dans ces catastrophes. C'est des choses qui nous font du tort, et c'est des choses qu'on n'aime pas, hein. Mais c'est pour une sagesse. Allah, il a voulu que ces choses-là se produisent, c'est par une sagesse. Et il dit que ceux qui meurent, hein, ou ceux qui ont été tués dans ce genre de catastrophe, parmi les musulmans bien sûr, eh bien c'est sûr qu'ils sont martyrs. Hein? Quelqu'un qui est mort dans ce genre de choses, une tornade, un ouragan, un tremblement de terre, une éruption volcanique, toutes ces catastrophes naturelles qui peuvent se produire, quelqu'un qui meurt dans ça, eh bien, il est martyr. Il meurt martyr. Il dit parce que la personne qui meurt noyée, par exemple, parmi les catégories que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées de ceux qui meurent martyrs, c'est par exemple celui qui meurt dans la noyade. Donc celui qui meurt dans la noyade, il est martyr. Celui qui meurt dans la destruction de quelque chose, par exemple, un tremblement de terre, il est dans un immeuble, puis ça s'effondre. Et puis lui, il meurt écrasé dans cet effondrement-là. Eh bien, lui, il est martyr aussi. Hein? Donc, ça c'est une bonne chose pour lui, même si en apparence c'est quelque chose de mauvais. Il dit parce que le fait d'être un martyr, c'est la plus grande récompense. Il n'y a rien dans le monde entier qui peut être équivalent ou meilleur que ça. Donc, il dit, même un homme, il souhaiterait, hein, un musulman, il souhaiterait être mourir martyr plutôt que de vivre 1000 ans, hein? Et excepté si il vivrait 1000 ans dans le bien, dans un bien qui continue à croître et à augmenter tout le temps. Et il dit que même que les biens qui ont été perdus dans cette catastrophe là, ça aussi c'est pour une sagesse. Des fois on ne voit pas la sagesse tout de suite, ou on ne réalise pas le bien qu'il y a dans cette perte de biens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Amr ibn Auf, il dit, par Allah, je jure que ce n'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous. Il dit, par Allah, je jure par Allah que ce n'est pas de la pauvreté que je crains pour vous. Mais ce que je crains pour vous, c'est uniquement que soit ouverte la dunya, hein, que soit ouverte pour vous la dunya. Et pourquoi il craint pour nous la dunya plus que la pauvreté? Il dit parce que le cheikh, il dit peut-être que si on garde et si on continue à vivre dans cette agriculture riche, et dans ces palais ou dans ces villas qu'on a avec beaucoup de bien dans cette dunya, peut-être que ça deviendra pour nous une épreuve, une tentation, pour nous aider dans le péché et pour nous distraire et nous obstruer la voie désobéissance et de l'adoration d'Allah, et en les perdant, hein, en perdant ces biens-là, ces conforts-là, eh bien, on se réfugie en Allah, hein, on cherche refuge en Allah, et on reconnaît notre propre limite d'être humain, hein. Et ça, c'est un bien pour nous, hein. Et c'est plus bénéfique pour nous, pour notre religion et pour notre dunya, de réaliser ça et de se réfugier en Allah et de retourner à Allah, que de vivre dans le bien et dans la dunya, puis que on devient négligent et insouciant vis-à-vis d'Allah. Donc peut-être qu'en apparence c'est quelque chose qui est mauvais ou qui est nuisible, hein, mais en réalité c'est un bien. Si on regarde par exemple la chute de l'Andalousie. La chute de l'Andalousie. Lorsque les musulmans ont régné en Andalousie pendant 800 ans. 800 ans, ils ont gouverné l'Espagne, les musulmans. Et puis, lorsque l'Andalousie, hein, est tombée des mains des musulmans, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Tous les musulmans ont subi de grandes pertes et de grandes épreuves. Ils ont perdu leur royaume, leur richesse, tous les biens qu'ils possédaient, hein, le confort et l'aisance, et tout ce qu'ils possédaient, tout ça, ça a été perdu. Mais peut-être qu'il y a dans ça une sagesse et un grand bien pour les musulmans que nous, on ne réalise pas. On peut dire la même chose aussi de beaucoup d'autres choses qui se sont produites dans l'histoire. Naam. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, comme tu dis l'exemple de Khidr avec Moussa alayhi salam. Peut-être qu'en apparence il y avait des choses, et que lorsqu'on voit leur explication par la suite, eh bien on comprend la sagesse qu'il y avait derrière. Mais bien entendu, ça c'est un cas spécial, parce que chacun des deux jugeait selon la charia qu'il possédait, hein? Chacun des deux jugeait selon ce que Allah lui a donné de science. Hein? Donc c'est un cas spécial ici, mais n'empêche qu'il y a toujours une sagesse dans ce que Allah a fait et dans ce que Allah a légiféré, dans ce que Allah a prédestiné et dans ce qu'il a créé. Le cheikh il dit par exemple: wa idha hasalat hurub tahina wa afnat ar-rijal wa aytamat al-atfal wa urmilat aw armalat an-nisa fa inna na'lamu anna hadha bi qada'illahi wa qadarihi ولكن الله قدره لحكمة وقد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر ولكن نعلم أنها لحكمة وإذا أوجب الله علينا شيئا كالقتال كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فإن نعلم وإن كان القتال كرها لنا أن فيه مصلحة لنا ولذلك قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Donc le cheikh il dit, même dans les grandes guerres qui se produisent, qui font perdre la vie à beaucoup d'hommes et qui font devenir beaucoup d'enfants orphelins et beaucoup de femmes veuves, hein, à cause de ces guerres, eh bien nous savons que ces guerres-là se produisent par le décret et par la prédestination d'Allah, puisqu'il n'y a rien qui se produit dans la création, excepté que ce soit par le décret et la prédestination d'Allah. Et toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse dans ce qu'il a prédestiné. Et c'est possible que nous soyons capables de voir rapidement cette sagesse-là. Toutefois, c'est possible également qu'elle ne nous soit pas apparente. Et donc, de toute façon, dans tous les cas, nous devons savoir que cette chose-là, c'est uniquement produite pour une sagesse d'Allah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous a ordonné le combat. Hein? Il dit dans le verset, le combat vous a été prescrit alors que c'est quelque chose qui vous déplaît. Hein? Et ça, c'est dans le verset 216. Et nous savons que le combat, même si c'est quelque chose qui est déplaisant pour nous, il y a dans cela un bienfait pour nous, hein. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il se peut que vous trouviez une chose déplaisante, que vous n'aimiez pas une chose, alors que c'est un bien pour vous. Hein? فَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي الْحُرُوبِ وَهُمْ يُدَافِعُونَ عَنْ أَنفُسِهِمْ شُهَدَاءَ حَتَّى وَإِنْ كَانَ الْإِنسَانُ يُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال وهو في النار ومع أن هذا يدافع عن ماله فكان شهيدا فهؤلاء الذين قتلوا شهداء ولا نقول لكل واحد شهيد لأننا لا نشهد لكل واحد بعينه ولكن على سبيل العموم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد والشهادة ليست هنية فهي والشهادة ليست هينة فهي مرتبة عظيمة عالية قال تعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. Donc le cheikh il explique que ceux qui sont morts dans les guerres alors qu'ils se défendaient, hein, ils sont des martyrs. Il dit même une personne qui se défend elle-même pour défendre sa vie, hein, elle est martyre si elle meurt dans cette situation-là, comme Abu Huraira l'a mentionné, radiyallahu anhu. Il a dit qu'un homme est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, vois-tu si un homme me vient et il veut prendre mes biens? Il a dit, alors ne lui donne pas. Il vient et dit, donne-moi ton argent. Tu ne lui donnes pas. Il dit, oui, mais vois-tu que cette personne-là, il veut me combattre pour les prendre. Alors il a dit, alors combat-le. Hein, il veut se battre avec toi pour prendre tes biens. Alors il dit, alors combat-le. Et il dit, mais vois-tu que à la fin, il me tue. Il dit, dans ce cas-là, tu seras martyr. Il dit, et vois-tu si moi, je le tue, hein, pendant cette bataille, pendant que je me bats avec lui, et je le tue. Il dit, dans ce cas-là, il sera en enfer. Dans ce cas-là, il sera en enfer. Et c'est rapporté par Muslim, selon Abi Huraira. Donc c'est un hadith authentique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et si moi je le tue, il a dit, et donc lui, il sera en enfer. Il a dit, malgré que cette personne, elle est en train de défendre ses biens. Hein, malgré qu'elle est en train de défendre ses biens, et si elle meurt en défendant ses biens, elle sera martyr. Et il dit, et ceux qui ont été tués, donc ce sont donc des ceux qui ont été tués dans la guerre par exemple, donc ce sont des martyrs, mais on ne va pas dire à propos de chaque individu parmi eux qu'il est martyr, parce que on ne peut pas témoigner d'une personne en particulier pour dire elle est martyr, mais de façon générale on dit comme une règle, quiconque meurt en défendant ses biens, il est martyr, sans spécifier un tel ou un tel ou un tel, puisque pour spécifier cela, il faut une preuve de la charia pour le dire. Mais il dit le cheikh, toute personne qui est mort en défendant ses biens, il est martyr. Toute personne qui est mort en défendant sa vie, il est martyr. Toute personne qui est mort ou qui s'est fait tuer en défendant sa famille, il est martyr. Et le fait d'être martyr, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Au contraire, c'est un degré très important et très élevé auprès d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 19 dans sourate Al-Hadid, et les martyrs, ils sont auprès de leur Seigneur, hein, sont auprès de leur Seigneur, ils ont leur récompense et leur lumière. Ensuite, le shaykh il dit, وَمَسْأَلَةٌ هَلْ يُشْتَرَطُ لِلشَّهَادَةِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِنسَانَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ يَكُونُ شَهِيدًا فَالْجَوَابُ لَا لَيْسَ شَرْطًا لأنه قد لا يعلم الإنسان في ذلك فربما يدافع عن نفسه بمقتضى الطبيعة والفطرة ويكون شهيدا وهو لا يدري. إذن فهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا وعاقبة حميدة حكمة، أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، وأنه إحسان من الرب عز وجل، فإنه يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى، وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته على طاعة الله. Donc le cheikh dit donc une autre question qu'on peut poser. Celui qui est-ce que c'est une condition pour que quelqu'un soit martyr qu'il ait l'intention de mourir martyr? C'est-à-dire que lorsqu'il meurt, est-ce qu'il faut qu'il ait l'intention que sa mort soit dans le sens d'être un martyr, ou bien que ce n'est pas une condition? Le cheikh, il répond, il dit non, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition parce que c'est possible qu'une personne ne le sache pas. Hein? C'est possible qu'une personne ne sache pas cela. Et donc, peut-être qu'elle va juste se défendre elle-même par rapport à qu'est-ce qui est naturel, par rapport à sa nature, par rapport à sa fitra. Elle se défend elle-même et que Allah la calcule comme étant un martyr. Et lui, il ne le sait même pas. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessaire que la personne ait nécessairement l'intention au moment où elle meurt ou elle se fait tuer. إذن فهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا. Donc il dit que cette chose là donc qui est en apparence quelque chose qui est mauvais pour nous et qui nous déplaît et qui est nuisible pour nous, sa conclusion soit louable. Donc ça c'est en réalité la sagesse qui est derrière. En ce qui concerne ce qui est bénéfique pour nous, eh bien, dans ce cas-là, la sagesse dans ça, elle est apparente. Quand quelque chose est bénéfique pour nous, on le voit tout de suite, le bien. On voit tout de suite la sagesse. Hein? Et donc, dans ce cas-là, c'est une manifestation de la bonté du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, envers nous, qui veut nous aider, si nous sommes, hein, qui nous aide lorsque nous sommes sincères à faire ce qui est bien et à nous préserver de son châtiment. Et les meilleurs hommes sont ceux qui cherchent l'aide d'Allah, qui cherchent l'aide d'Allah par ses grâces, qui utilisent les grâces d'Allah pour s'aider dans l'obéissance d'Allah. Et il dit ensuite le cheikh, فَالْحَاصِلُ أَنَّنَا نَعْلَمُ وَنُؤْمِنُ وَنَشْهَدُ بِاللَّهِ أن كل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر أو فتنة أو حرب أو سلم أو غير ذلك فهو لحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها، وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويصبر ويجد حلاوة عجيبة، حلاوة وطمأنينة في القلب وراحة في النفس لا يجدها في أعظم وعظ، فلو وعظك إنسان من الصباح إلى الصباح فلا يؤثر فيك تأثير بعض المصائب، حتى إن المعاصي إذا فعلها الإنسان ثم استحضر عظمة الله وخجل من الله واستحيا من الله ورجع إلى الله يجد لذة عظيمة للطاعة التي كان يفعلها من قبل كأنها عادة، فهذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد أن فيما يكرهه الإنسان خيرا قد يعلمه وقد لا يعلمه. Donc le cheikh il dit, nous savons et nous croyons et nous déclarons et nous témoignons que tout ce que Allah a prédestiné, que ce soit bien ou mal, ou une tentation, ou une épreuve, ou une guerre, ou une paix, ou n'importe quelle autre chose, que tout ça c'est dans la sagesse d'Allah. que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas. Hein? Et il dit que, est-ce qu'il y a plus doux et de plus bon pour une personne qu'elle soit frappée par un malheur quelconque, puis que par la suite elle se force à être patient et elle fasse preuve d'endurance, et qu'elle ressente en elle-même une douceur incroyable et une douceur et une tranquillité dans son cœur et un repos dans son âme, hein, qu'elle ne va pas retrouver même si elle entend les plus grandes exhortations que quelqu'un peut lui faire, même si une personne va te faire une exhortation dans la religion pour te rappeler d'Allah et te rappeler de son châtiment et t'inciter à faire le bien et te faire peur de désobéir à Allah du matin jusqu'au matin. Elle va te faire une longue exhortation et peut-être que ça ne va pas te faire autant d'effet, cette exhortation-là, que ce malheur qui t'a atteint. C'est-à-dire que ce malheur qui t'a touché, il va te remettre en question dans ta religion, dans ta foi, beaucoup plus que tout ce que quelqu'un pourrait te raconter comme exhortation dans ta religion. Il dit, même parfois les péchés que tu commets, quelqu'un peut commettre un péché, puis après il prend conscience de la grandeur d'Allah. Alors il est gêné et il a honte devant Allah de qu'est-ce qu'il a commis comme péché, et il revient à Allah et il se repent. Et il retrouve en lui-même une saveur immense dans l'adoration d'Allah et dans son obéissance qu'il ne ressentait pas avant d'avoir commis ce péché-là. Hein? Parce que c'était comme une habitude pour lui auparavant. Hein? Et donc il dit, il y a donc dans cela des grands bienfaits. Et si l'homme médite et réfléchit sur ces choses-là, eh bien, il va constater, il va réaliser que ce que l'homme parfois n'aime pas est un bien pour lui. Et c'est possible qu'il le sache, et c'est possible qu'il ne le sache pas. C'est-à-dire que la sagesse qui existe derrière les choses qui se produisent dans notre vie, des fois on peut les comprendre, des fois on ne les comprend pas. Et il y a tellement de choses comme ça. Il y a tellement de choses qui se produisent, des fois des choses difficiles même à accepter, difficiles à comprendre, difficiles à concevoir. On se dit, mais comment des choses peuvent se produire de cette façon, hein? Surtout pour des musulmans parfois. Des fois, surtout quand ça concerne les péchés que des gens peuvent faire. Tu te dis, comment des gens sont tombés dans ce genre de péché-là, hein? Et même les péchés que les gens ont commis, il y a une sagesse. Hein? Et tu vois quelqu'un à quel point il est allé loin dans l'égarement, tu dis, mais comment cette personne est allée loin dans cet égarement-là? Eh bien, il y a derrière ça même, il y a une sagesse. Même derrière la mécréance de Iblis, il y a une sagesse. Même derrière le shirk des mouchriquins, il y a une sagesse. Même derrière le kouf de Pharaon, il y a une sagesse. Derrière tout ce qui se produit, il y a une sagesse. Hein? Et c'est que, par exemple, les croyants sont mis à l'épreuve par ces situations-là. Hein? Si tout le monde était croyant, il n'y aurait pas d'épreuve, il n'y aurait pas de test. Hein? Donc ça, c'est parmi les exemples aussi. Et le cheikh, il dit ensuite, « فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا أَوْ تَعَبَّدَ بِهِ خَلْقَهُ شَرْعًا فَإِنَّهُ لِحِكْمَةٍ وَعَلَى وِفْقِ الْحِكْمَةِ. » Donc il dit, tout ce que Allah a prédestiné dans la création, ou ce par quoi il nous a ordonné de l'adorer, hein, il a ordonné à sa création de l'adorer dans sa législation, alors tout ça c'est par sa sagesse, وَعَلَى وِفْقِ الْحِكْمَةِ, et en accord avec la sagesse. Et le cheikh, il dit, وَهَذِي الْحِكْمَةُ الْغَائِيَةِ, وقوله على وفق الحكمة وهذه هي الحكمة الصورية الصورية وهو لحكمة وهو لحكمة الغاية يعني وهو لحكمة الغاية منها حميدة وعلى وفق الحكمة وهي الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما. فإن قال قائل ما الفرق بين الحكمة الغائية والحكمة الصورية؟ قلنا الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته كالطاعات مثلا. فالحكمة منها أن يثاب العبد على فعلها. أما الصورية فهي كون الشيء على وجه معين، فمثلا الواجب في الذهب والفضة في الزكاة ربع العشر، والواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر، والواجب في الذي يسقى بمؤونة نصف العشر. فهذه اختلافات تقدير، لكنها على وفق الحكمة والغاية من الجميع الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. Donc le cheikh il explique que le cheikh ici quand il parle du fait que tout ce que Allah a décrété dans sa création et tout ce par quoi il a ordonné sa création de l'adorer dans la législation, que ça c'est par la sagesse. Et le cheikh il dit ça, c'est-à-dire par la sagesse dans l'objectif et dans le but. Et il dit wa ala wifqi al-hikma, et selon la sagesse, hein, en accord avec la sagesse, ou bien d'une manière qui est sage, hein, selon, en accord avec la sagesse, selon la sagesse. Il dit ça c'est la sagesse qui est dans la forme, donc la sagesse dans le but et la sagesse dans la forme. Et il explique c'est quoi la différence entre la sagesse dans le but et la sagesse dans la forme. Il dit la sagesse dans le but c'est l'objectif pour lequel on fait quelque chose et le bienfait qui en découle, le fruit qui en découle, comme par exemple la sagesse derrière les actes d'obéissance. C'est quoi la sagesse derrière ça? Eh bien, c'est que le serviteur soit récompensé de les faire. Et il dit, par exemple, la sagesse dans la forme, hein, eh bien, ça c'est dans la façon spécifique et particulière dans laquelle Allah a légiféré les choses. Et il dit, comme par exemple, pour de l'or et de l'argent, Allah a légiféré dans la zakat qu'on donne 2,5%. Hein, rub al-ushur, ça veut dire 4 dixièmes. Puis il dit l'obligation pour la zakat des récoltes, des fruits secs ou des choses, des céréales ou des grains, qu'est-ce qu'on doit donner comme proportion ou comme quantité de zakat dans ces choses-là? Eh bien, Allah il a distingué entre ce qui est irrigué naturellement et ce qui n'est pas irrigué naturellement, c'est-à-dire ce que nous on doit arroser ou irriguer nous-mêmes. Eh bien, la quantité de zakat qui doit être donnée pour ce que on a, pour ce qui a été irrigué naturellement ou par Allah, comme Allah, qu'est-ce qu'il a irrigué dans la création, comme avec la pluie. Et qu'est-ce que nous-mêmes on doit irriguer en arrosant nous-mêmes? Eh bien, la proportion c'est pas la même. Hein? Ce que tu dois irriguer, ce qui est irrigué par lui-même, tu dois donner un dixième. Tandis que ce que toi-même tu dois irriguer ou que tu dois toi-même arroser, hein, de tes récoltes, tu dois seulement donner une demi, la demi d'un dixième. Hein? Tu vois? Donc c'est pas la même quantité pour les deux cas. Et il dit, ces divergences dans les proportions, hein? Ce sont des divergences dans les proportions, mais elles sont selon une sagesse. Il y a une sagesse dans ça. Hein? Et donc, le but dans les deux, dans tous les cas, c'est, bien entendu, d'obtenir la récompense pour avoir donné la zakat et de faire profiter les pauvres et de faire augmenter les biens et de repousser le mal et ainsi de suite. Hein? Et dans la forme, on comprend la sagesse pour laquelle Allah a légiféré les choses d'une façon pour telle situation et d'une autre façon pour telle situation. Il y a une sagesse là-dedans. Hein? Donc il dit, فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ مَا الْحِكْمَةُ في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء نقول الله أعلم لكن نعلم أنه لحكمة وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث أي خلقت ذات فعل شيطاني وليس المعنى أنها خلقت من النار لا خلقت مبنية على الشيطنة والغلظة كقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل مع أننا مخلوقون من تراب ولكن من عجل يعني أن الإنسان هذا هو وصفنا اللازم لنا فالشيطنة بالنسبة للإبل هو الأصل إلا أن الله ذللها لنا والحمد لله فمن العلماء من قال إننا أمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل فإننا إذا تغذينا بهذا اللحم من هذا الحيوان المبني على الشيطنة اكتسبنا من طباعه والماء يزيل أثر ذلك وهو الوضوء ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ. Donc le cheikh il termine, on va terminer avec ceci je crois. Le cheikh il explique que si quelqu'un te pose la question, quelle est la sagesse dans le fait que quelqu'un, lorsqu'il a mangé de la viande de chameau, barakallahu fik. Jazakallahu khayran. Quelle est la sagesse dans le fait qu'une personne, lorsqu'il a mangé de la viande de chameau, il doit faire son wudu parce qu'il perd son wudu en mangeant de la viande de chameau? Hein? Quelle est la sagesse dans ça? Et le cheikh, il répond, il dit, Allahu a'lam, Allah il sait mieux. Il dit, mais nous savons que c'est pour une sagesse. On ne connaît pas la sagesse, mais on sait que c'est pour une sagesse. Et certains ulama ont mentionné que la sagesse dans ça, c'est que le chameau, il était créé à partir des shayatins. Hein? Comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, hein, selon rapporté par Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani. Des shayatins, des diables. Et il mentionne que, c'est-à-dire qu'il a été créé, le chameau, il a été créé, de par un acte diabolique. C'est-à-dire qu'elle est créée, non, yani, c'est ça. أنها خلقت من النار لا خلقت مبنية على الشيطان والغلظة. Yani, ça ne veut pas dire qu'elle est créée de feu. Non, elle n'est pas créée de feu. Mais elle a été créée basée sur le tempérament, un tempérament de diabolique et de dureté, hein, de shaytana, hein, c'est comme si de rébellion et de dureté. Et comme Allah il mentionne par exemple à propos de l'être humain dans le verset 37 dans sourate al-anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala il dit خلق الإنسان من عجل. L'être humain, il est créé yani toujours, il est toujours pressé, toujours, hein, yani toujours pressé, toujours, yani il n'a pas de patience. Yani. Et le verset, c'est, je vais regarder la, comment ils l'ont traduit dans la traduction. 37. L'homme a été créé prompt, prompt dans sa nature. Al-ajal, quand on dit de quelqu'un, yani, qui, khuliqa l'insan min ajal, c'est-à-dire il est pressé tout le temps. Il est toujours, il veut toujours que les choses se fassent rapidement, vite, tout de suite. Hein, il n'est pas patient. Et il dit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise qu'on est créé min ajal, c'est comme si ça voudrait dire il est créé à partir d'être pressé. Mais c'est sûr que l'être humain, il dit le cheikh, nous sommes créés de terre à la base. Mais min ajal, ça ne veut pas dire qu'on est créé d'une substance qui s'appelle ajal, hein, mais plutôt que c'est une caractéristique qui est propre, hein, et qui est en l'homme lui-même. Oui, intrinsèque à l'homme. Et de la même manière que pour le chameau, il est créé dans cet tempérament de shaitan, puis de dureté. Et ça, c'est l'origine et la base. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu servile ou l'a assujetti à l'homme par la grâce d'Allah. Donc parmi les ulama, certains ont mentionné que c'est pour cette raison-là qu'il faut faire le wudu après avoir mangé la viande du chameau, parce que lorsqu'on absorbe de cette viande, eh bien c'est comme si on absorbait un peu de ce tempérament de cet animal qui est ce tempérament un peu dur et rebelle. Et donc en faisant le wudu, ça élimine les effets de cette viande-là. Comme Allah comme on a été ordonné également de faire le wudu lorsque on est en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous êtes en colère, eh bien, faites le wudu parce que ça calme, hein, la colère. Donc ça, c'est parmi les exemples qu'est-ce que certains ulama ont mentionné. C'est possible que ce soit ça la sagesse, comme c'est possible que ce ne soit pas ça. Mais, c'est un exemple que les ulama ont mentionné pour essayer d'expliquer cette sagesse-là. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? En tout cas, ça c'est... Oui, non, c'est ça, parce qu'il y a un frère qui m'avait envoyé... j'avais trouvé cette vidéo-là sur Internet. C'est je crois que c'était au Pakistan. Et il voulait, je pense, le jour d'Aïd, égorger un... Non, pas une vache, égorger un chameau. Et le chameau était sur trois pattes, parce que une de ses pattes, ils l'ont attachée, donc elle était pliée, hein? Donc il lui restait seulement les deux pattes dans l'arrière, puis une patte en avant. Donc l'homme s'est approché pour venir pour couper le cou du chameau pour l'égorger, et le chameau s'est levé, il a levé sa patte d'en avant et il a écrasé l'homme avec sa patte, il y en a de devant, il l'a frappé comme ça derrière sa tête et son dos, et l'homme est tombé par terre inconscient. Donc les chameaux, ils ont vraiment ce tempérament là ils sont très très durs, les chameaux aussi. Et puis ils ont une bonne mémoire, yani si tu leur as fait quelque chose, ils se souviennent de toi, puis des fois même ils crachent aussi sur les gens, puis j'ai entendu toutes sortes d'histoires comme ça quand j'étais en Arabie Saoudite. Les bédouins, ils racontent des histoires avec les chameaux, et ils ont plein d'anecdotes comme ça là. Ah, mashallah, elle était gentille avec toi. Mashallah. Eh ben, peut-être qu'elle sentait du bien de toi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khair inshallah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours inshallah. Donc où est-ce qu'on était rendu ici? Donc 49. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.